Le dernier tournoi de fermeture du club de golf de Dolbeau, ça signe en fin de semaine. Et question de savoir comment que ça a été l'année, comment qu'on se dirige. Bon, on fait le bilan avec le président Daniel Fortin. Salut Daniel. Salut, Oui, ça salut va bien Carlos. Daniel. C'est sûr que là, les chiffres sont pas tous sortis. Il reste un bilan à faire. Mais dans l'ensemble, à quoi va ressembler l'année au club de golf de Dolbeau, ça signe? Ça n'a pas été facile. Dame Nature n'a pas été généreuse en début d'année. Vers la fin d'année, ça s'est replacé. Donc, à quoi ça va ressembler? Ah, écoutez, nous, on a regardé nos projections budgétaires au début de l'année pour savoir si on allait rencontrer les objectifs. Puis malheureusement, on ne sera pas capable de rencontrer des objectifs qu'on s'était fixés. Principalement dû grâce à Dame Nature, là, vraiment, qui était fautive dans ce cas-ci. Écoutez, sur une période, à un moment donné, de 60 et quelques jours de possibilités de golf, il y en a plus 45. Ouais. C'est-à-dire, ça a un impact majeur sur les permis journaliers. Alors, pas de permis journalier, pas de dépenses au restaurant, pas de chaleur pour shop. Donc, c'est tout un jeu de domino qui s'ensuit par rapport à ça. Donc, il y a plusieurs postes budgétaires au niveau des revenus qu'on n'est pas été capable de combler ou d'atteindre. Puis d'un autre côté, au niveau des dépenses, il y a des dépenses imprévues qui sont arrivées qu'on n'avait pas prévues. C'est des bris d'équipement qu'on pensait pas qu'elle allait briser au niveau de l'informatique, au niveau de la restauration. Ça fait en sorte qu'on a une écorme budgétaire quelque peu différente de ce qu'on s'attendait. Mais malgré tout ça, on fera pas tout ça avec ça cette année, là, mais on fera pas de déficit non plus. Non plus vraiment, vraiment, vraiment. Là. Considérant l'ensemble de l'œuvre, on peut dire que si on se compare à d'autres, on se console. Mais je crois comprendre que je suis pas vraiment beaucoup de problèmes. Difficulté. Puis j'ai vous dire aussi que Chicoutimi, ça frôlait des déficits assez lourds aussi, ou un écart de budget. Là. Donc le prochain, je pense que tous les clubs de golf de la région et dans l'ensemble de la province de Québec ont eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Est-ce que ça veut dire que dans l'ensemble, c'est quand même un budget équilibré? C'est sûr que là, il reste plein d'affaires à rentrer. Bon, tu me dis, on n'a pas atteint nos objectifs. Les objectifs, c'était quoi? Ah, ben les objectifs, c'est d'écouter, c'est un objectif d'un ensemble de budget qui frôle, à vrai, les 373 000, 374 000 $ dans l'ensemble de l'œuvre. C'est sûr que si par poste budgétaire, il faudrait regarder respectivement chaque poste budgétaire au niveau des revenus. Puis si on compare les revenus par rapport aux dépenses, on arrive avec un écart de budget qui est un peu différent de ce qu'on avait envisagé. Donc la différence était qu'à quelque part, ben faut se reprendre au niveau de les amortissements, là, puis sur nos immobilisations. On peut en récupérer là, tu sais, pour combler les corps, mais dans l'ensemble, je pense qu'on va se retirer pas trop trop mal malgré tout ça. Tout le bénéfice, c'est vraiment bénéfique, ouais. Là, bénéfique par rapport à ça. Là, puis ça sera pas si mal que ça. Le mois de septembre, c'est toujours un mois de septembre, tu sais, ça met un petit baume un peu le mois de septembre. Je sais que pour faire des entrevues avec Saint-Prime, ça a quand même bien été. Chibougamau, moi, on parle de 20 000 piastres de la pire année en 20 ans d'histoire. Est-ce que le mois de septembre a été bon? Je te dis la vérité, là, mes chiffres, mes statistiques ne sont pas encore sortis. Ils vont être disponibles seulement le 3 octobre en okay. Réalité. Là. Il semblerait, écoute, à première vue, là, puis je pense que le mois était agréablement beau. Là, donc, j'imagine que au niveau des entrées d'argent, ça doit être peut-être au moins l'équivalent de ce qu'on avait projeté au début de l'année. Là, je me croise les doigts en me disant que si on devrait arriver au même pour ce mois-là, la période, ce qu'on appelle la période du mois de septembre, on devrait rencontrer nos objectifs au niveau des revenus. Mais je n'aurai pas les résultats finaux avant 4-5 octobre avec notre programme. OK. Donc, du côté maintenant des nouveaux membres, est-ce que ça a quand même bien été? Nouveau membre, c'est sûr qu'on a eu une rétrogression par rapport à ça. On s'attendait d'avoir quelques dizaines de membres de nouveau, ce qu'on n'a pas eu cette année. Okay. Bon, en ayant 10 membres de moins, ben c'est des revenus en moins. Puis comme je disais, ça a un impact sur tout l'ensemble au niveau de l'accueil, de la vente, de l'achat de balles, de dépenses au restaurant. Donc, les 10 membres de moins, là, ils contribuent dans l'ensemble ajouter des revenus puis dans différents secteurs d'activité du club de golf. Mais ces gens-là sont pas au rendez-vous. C'est un manque à gagner par rapport au restaurant, par rapport à l'accueil, par rapport à la vente de balles. Alors ça, c'est tout ça qui fait que au niveau des revenus, du membre de moins, ça a un impact assez majeur dans notre projection budgétaire. OK, OK. Dis-moi maintenant, du côté des nouveautés, qu'est-ce qu'on entend faire cet automne et cet hiver pour préparer la prochaine année? Qu'est-ce qu'on entend faire du côté du club de golf de Boom-Sisney? J'imagine mettre l'accent encore sur le membership. C'est sûr qu'il va y avoir un nouveau conseil d'administration qui va être élu au mois de décembre, le 15 décembre, l'Assemblée générale. Il y en a qui vont revenir, il y en a qui vont quitter, donc ça va être un nouveau conseil d'administration qui va être là, qui va être en place. Ça va être à eux de décider qu'est-ce qu'ils prévoient comme amélioration. Améliorant le terrain, on a un cahier de charge où on a mis sur papier des choses à améliorer au niveau du terrain. Mais ça, c'est en développement, donc on peut pas trop en dire par rapport à ça. Ça va être au nouveau comité de se pencher là-dessus. Mis à part cela, c'est sûr qu'il faut qu'on suive dans la relève, que c'est de tenter de recruter des nouveaux membres pour amener de l'eau au moulin, plus de revenus. Encore un tournoi bénéfice, que ça, c'est sûr, ça va aller toutes les ans, il faut le reconduire. C'est une source majeure de financement qui aide à payer nos dettes, autrement dit. Donc, il n'y a pas seulement les membres qui nous apprennent aussi cet apport-là qui est non négligeable pour rencontrer nos fins de mois. Ouais. Ça prend ça. Donc, c'est sûr que beaucoup d'emphase va être encore mis sur le tournoi bénéfice avec un président d'honneur. Ça changera pas, là. Puis, c'est sûr qu'il faut, encore aller solliciter les compagnies pour qui fassent leur tournoi au club de golf. Donc c'est encore des entrées d'argent. Puis ça, on a une liste bon an mal an qui sont vraiment qui viennent nous revoir tous les années, mais il y a encore de la place pour quelques tournois. On s'en rajoute des tournois, donc c'est plus d'argent, plus de revenus. Donc plus facile pour le club de golf de boucler le budget après l'année. Okay. Est-ce que tu reviens à la présidence? Non, je reviens pas à la présidence. Je redeviens simple golfeur, puis ça va être bien correct comme ça. Parce que ça a été une grosse année aussi. Comment t'as trouvé ça, ton expérience? Bon, c'était différent. C'était correct. Tu sais, je veux dire que il y a des choses que je m'attendais que ça allait être comme ça. Il y a des choses que je m'attendais que c'était pas ça. Mais écoutons, on apprend. Il y a pas d'autre chose pour apprendre. J'ai des leçons de vie à tirer. Puis après ça. Et voilà, j'ai appris des leçons. Après ça, humblement, il y a des fois qu'on se dit, on fait pas des gaffes, mais on fait du mieux qu'on peut pour en arriver, tu sais, à mettre le bébé à terme. Puis on aurait fait tout mon possible. Puis les gens qui m'entourent ont fait tout leur possible. Puis alors, c'est ça qui est ça. Puis je suis dans l'ensemble, donc j'ai fait ce que je pensais qu'il devait être fait avec les membres du comité d'administration. Okay. Niveau de la performance maintenant, si on parlait de sur le terrain, la Coupe Ryder, c'est vraiment une bonne idée, ça? Ça, c'était une bonne idée. C'est sûr que nous, on était un petit peu pris de court. Selon la capitainerie, là, c'est la formule pour choisir nos joueurs. Tu sais, on a su cette Coupe Ryder-là sans le savoir trop en retard, mais c'est le système en place du côté local, comment procéder pour sélectionner nos joueurs, ça, l'année prochaine, ça va être repensé. Après ça, j'ai de la place à l'amélioration. Mais les gens qu'on avait mis en place, qui ont été sélectionnés, ont bien fait. Malgré une défaite, les gens se sont battus jusqu'à la fin. Ça s'est décidé vraiment par les derniers trous. Pour chaque partie, c'est décidé qu'il y en a sur les derniers trous. Là, ça aurait pu pencher comme d'un côté comme de l'autre, mais félicitations à Saint-Prime pour cette victoire de la Coupe Ryder. Dis-moi, est-ce qu'il y a eu pas mal de trous d'un coup? Cette année, dans l'ensemble de l'année, je crois qu'on a eu trois trous d'un coup. OK. Oui, trois trous d'un coup, ouais, confirmé officiellement, là, les noms exactement, mon Seigneur, là, tu vas m'arracher les noms de la bouffe, je ne veux pas faire d'impair, mais trois trous d'un coup, ça aussi, c'est confirmé, puisqu'on a remis, la capitainerie a remis trois plaques à ces gens-là qui ont fait des trous d'un coup cette année. Bon, félicitations, Daniel, quand même, pour l'année, pour tes efforts, et au plaisir de se reparler, puis on va quand même faire une dernière entrevue à l'année du club, lorsqu'il aura lieu le... Assemblée générale au mois de décembre, tout près de la période des fêtes. C'est C'est un voilà, donc le président du club de golf de Boom-Sesnay, Daniel Fortin. Salut, au revoir, Denis.